Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Y'a l'air, la la mi lo lo. Bonjour. Y'a ta bête, le ta la la la de l'auto. Bonjour. La ta bête. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, c'est la rentrée musicale sur Kodenambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois sur Radio FPP, et on a entendu à l'instant un remix de monsieur Exos Metkakula qui remixe René Geoffroy et le groupe Canida, et qui nous dit que dire bonjour ça ne peut pas faire de mal, donc on précise que c'est un titre du Kakolabo avec aux manettes Exos Metkakula. C'est un titre qui existe depuis 2010, qu'ils ont eu l'occasion de jouer dans de nombreuses prestations, notamment à Paris, à Port de la Villette, mais aussi à San Juan, à Porto Rico pour la fête de la musique de Porto Rico. Et voilà, en exclusivité, merci Exos de nous avoir envoyé ce morceau. Exos Metkakula, donc le maître de la Kako Music, qui fait partie de ces artistes sur lesquels nous reviendrons cette saison, dans la nouvelle saison Musique Jeudi de Kodenambi. On enchaîne avec une autre exclusivité, le groupe Sap Sap, son à parole, poésie et son, Patrick Nupère au son, Simone Lagrand à la parole. On écoute tout de suite Accra Blues. Bête à fée cherche des âmes à éclairer, mais elle se cache, de peur d'y voir trop clair. Bête à fée cherche des âmes à éclairer, soucouillant, cherche âmes qui vivent, pour noces en baffée, ouais. Le soir, joue sa musique de minuit, Loïd compositeur, Cabrivois, chef d'orchestre, et le chœur des brise-vents, sans sommeil, bat la mesure la ligne clé, caresse d'étoiles pour les rétines accrochées aux rideaux tendus sur l'angoulousse nocturne, voile bleue sur le visage du monde des mondes, voile bleue sur le visage du monde des mondes, voile bleue sur le visage du monde des mondes. Dans le tempo d'après minuit, parce qu'avoir peur du noir, c'est avoir peur de la folie. Les éclats de la lune sont comme les miroirs des esprits, et l'eau qui dort est une colère en sursis. Quand la nuit se réveille, c'est le jour qui se met à nu. Lumière dilapidée dans la mémoire et l'inconnu. Les cœurs lycanthropiques ont la permission de minuit. Les pas qui flippent sont sûrs de rester sans issue. Bête à fée cherche des âmes à éclairer, mais elle se cache de peur d'y voir trop clair. Bête à fée cherche des âmes à éclairer. Soukounian cherche âmes qui vivent pour noces en bafée. Le soir joue sa musique de minuit. Loïc, compositeur, Cabrivois, chef d'orchestre, et le cœur des brise-vents sans sommeil bat la mesure la ligne claire. Caresse d'étoiles pour les rétines, accrochées au rideau tendu sur l'angoulousse nocturne. Voile bleue sur le visage du monde des mondes. Voile bleue sur le visage du monde des mondes. Voile bleue sur le visage du monde des mondes. Poésie vocale sur des beats et ambiance minimale, électro ou hip-hop. Poésie de Simone Lagrand et les beats de Patrick Nupper, un compositeur sur lequel on ne manquera pas de revenir avec d'autres projets encore cette année. On va vous parler vraiment de tout ce qui se fait d'intéressant en termes de musique actuelle, créole, principalement de Martinique et de Guadeloupe. Et on va changer d'ambiance. On va aller découvrir un jeune collectif hip-hop R&B de Grand Camp à Pointe-à-Pitre que j'ai eu l'occasion d'apercevoir sur la scène du Petit New York en Guadeloupe justement cet été à la jam de Fripon. Un salut à lui. Et on va présenter EMS, Nosmi et Coralie pour le collectif 142 décibels avec le titre Où c'est celle, extrait de leur mixtape gratuite à télécharger tout de suite. Hey. Où c'est celle, l'essentiel. Dieu. Anton, si qu'est femme, c'est diable. Leur bon gens, ça veut dire qu'un homme qui bon. Homme, c'est le pardon, parce que l'aide, nous ni mauvais l'intention. Nous qu'a flatté format, ou les autres, ils font. Mais moi, rail, leur monde, qu'a cherché complexe. Au printemps, juste, puis c'est un petit prétexte pour frère. Y'a qui bon, ils savent qui j'en paye, idolâtré. On est en fasciné, faut qui j'en façonné. Mais en l'âge, souvent sentiment. Si on veut pas, tiens, pas savent qui j'en qui sentiment. Si on l'a en là, si on pas là, pas demander pourquoi. L'amour qu'a rien avec, mais moi en pis c'est un vrai pourquoi. Comme c'est le brave, devant sentiment. Si on veut repartir, pas savent qui j'en qui sentiment. Si ou là ou là, si ou pas là, pis demander pourquoi. L'amour qu'a rien avec, y'a toujours pis c'est un vrai pourquoi. Ouais. Passivement, translant, est peur. Facilement, pas de l'air, pas qu'à avoir. Pour dire que où c'est celle, où c'est celle. Femme qui a mérité respect, ici belle. S'il vous plaît, pas parler. S'il vous plaît, nous aller. S'il vous plaît, sorti caresse à l'amour qui mène ou la ouvée. En bâtissant frère, on lève ni mal tête. C'est tout ça, y'a l'effort qu'on lève moi le matin. Tout le soleil, les gars qui manquent chaleur. Vent qui souffle sans jamais égaliser de serre. Ah, c'est vrai, on s'ajoute passer sans. Non, sans vous, on peut pas sentir moins bien. Seule musique à rendre moi avec. Sinon, on va pas dissiper tes distances. C'est quand même moi en transe. Les gens qui pensent que c'était pas ou alors qu'on fait tout le bêtis, y'a moins pensé. Si nous sensé, fais yon. Asi me sa nouye pou nou pe sa vwajou Oui ou se sel doudou Fou pa ou pe ban nou L'amou an nou dvo lou Se te ka ou se sel ma pel Passivement transler e peur Facilement badner pa ka avwer Pou di ou ke ou se sel ou se sel Fon ka merite respect a esi bel Si ou ple pa pale Si ou fwe nou wade S'il vous plaît, senti caresse à l'amour qui mène ou la roupée. I'm a queen, made by light, drawn by love. Even if we are searching for affection. Who am I in your eyes? Who are you in mine? And what can we look like if both are decided to take a seat and speak? Passivement quand l'air est peur, facilement pas l'air pas qu'à avoir. Pour dire que où c'est celle, c'est celle. Femme qui a mérité respect, elle est si belle. S'il vous plaît, pas parler, s'il vous plaît, nous parler. S'il vous plaît, senti caresse à l'amour qui m'aide ou la rouper. Passivement, transler et peur. Facilement, pas de l'air, pas qu'à avoir. Pour dire que où c'est celle, où c'est celle. Femme qui a mérité la venda. Belle chanson d'amour d'un artiste à découvrir, nouvel artiste Anno Anno Créole, artiste de Guadeloupe. Et ce texte, ce morceau, My Perfection, est accompagné d'un très joli clip. Allez chercher ça. Et également d'un EP réunissant un peu tous les sons qu'il a sortis récemment. Très actif du côté de la Guadeloupe, Anno. Et maintenant, on va partir dans une ambiance un peu lounge, house, jazz, pour une autre nouvelle artiste que vous pourrez retrouver cette semaine, le 10 septembre, à la Favela Chic pour la Rimshot Mini Party. Et la chanteuse s'appelle Kanem. Le titre, c'est Let It Go. Tout de suite. super nul en basket. Mais le rixe, tu m'as en est en parquet. On dernier pompe, on dernier coup de rein. Kaini roche pour tout jardin. Tout pied mango, gars, il prend qui gêne qui vient à d'un. En cafine, peut-être à saute tout. Pas la peine répondre, pas fini. Si vous pannez le rix, ou c'est un pied mango, rapportez mango si. On radio qui, premier ciné, mais inutile, qu'on douce net sensible. Pas confondre moi et si, pote si bon, si un hein, si bon. C'est quand même l'enchouté si quand. En bas, c'est classique, zot képé. Zot pé prend l'argent là, buzz là, mais zot pé pas toucher les jeunes là. On s'en foutait de rap, donc pas qu'à faire rien de bon. Depuis, on ne dit pas, ni pas. Ma bouillarde, c'est rat. Ou comme si, comment je crabe, on fait des calls, tambour, rap, Guadeloupe, intouchable, mais pas fond hack. Top ni temps, nous qu'à vivre, bayadin, bat fella, cassé, nous c'est la dream team rap, voilà, du sacu au top niveau, mais yo, topé O, DHC, EPO, sans cire et sans citron, chat, grand cochon, du sacu, red, red, et puis le top départ, moi frérot, c'est pito, sans drogue, qui en mec, rabat, tout péqué, j'en m'étonne, ni grand mettre kamane, ya, et pito, kamé, amé, ramonté à la végéta, pas mettre dope en venant, et accepter, peine, juste au prochain one, passe tout le temps, pour comment, pour copain, pour qu'on fouette tout ça, grave à faire un peu qu'on dette. C'est plus cela qui pas te savent. Yo qu'à t'en dire, mais yo pas te savent. Après ça, yo qui comprennent, année la rage. Rap, c'est un sport. Yo, mais pas vino à moi. Spectateur, c'est acteur. YouTube, commentateur. Facebook, Twitter. Job la vie, ni red. Yo qu'à pas les gras, hip hop, guada. Ni trop mon n'importe là. Et que ça saute, c'est mille et une bulles là dans bouteille coca. Ouveille, ouvrez, hyper. Mais des jours, l'état, regardez ça, pas bon, ça pas gâchène. Pas les gaz encore. Alors la concurrence, toujours pur et cool. On fait des collègues, papa, on crie, mais old school. Mais si y'a pas fort, gritis, mais 1-2-X. Donc ils font 5 et son X. Pas vine, cassez-moi les boules. Nos fans y'a assez spirit et fait la langue. Mais on y'a pas qu'être une pute pour reprendre. Ça sera des fans. Pas vine, parler de femmes. Si pas savent, car qui n'en mou, combien de femmes pour combien de simon, ou racimé, ou que jouer les boss, c'est le que persimé, ou trop de chat de la semaine cam, t'étais des petits frères, t'y sept, t'étais pour même fini, mamie fait moi dire, tout ni en la rue, on peut même dire tout, sans gratis véridique, pas qu'à suivre la tendance, pas ni tout côté site, définition authentique, pas qu'à pomper foulon, on l'aura fait pomper, puis lever, fait lever, tout fait, il faut pour mettre sa rôle, on attend vous à la maman, tellement wack, ou blip, ou clip, beat, si quand vous font gang et puis rap. C'est pigone. Si vous voulez faire moi la peau, tout seul, en panigoune, en panilama, en panigana, en raféra. C'est la protection, mais c'est toi là qui fait. C'est toi le rivière, le main. Vous pouvez tuer, mais ils vont en balle, casser mon bras. Mais c'est trop, et pas prendre les ricoles. Rap, c'est un sport. On vous l'a dit, c'est la rentrée dans Musique Jeudi. Alors, on a écouté un maître d'école, Maître l'école hip-hop créole. C'était le nom de son premier album. Enfin, son premier album solo de Star G. Et on a entendu à l'instant un extrait de son prochain album Return of the Boom Bap Créole, hommage au morceau, à l'album de KRS-One Return of the Boom Bap. Le morceau à l'instant, c'était Rap, c'est un sport. Le rap, c'est un sport. Allez sur YouTube, s'il y a un clip en deux parties qu'il faut absolument découvrir, Star G. On va enchaîner avec une autre artiste qui s'appelle Mallory M et qui sort son album Musicosophie. Et Kali a chanté la dure vie de l'artiste. Mallory M va nous chanter l'art triste, ce métier peu considéré au-delà des paillettes. Alors prenez le temps d'écouter. L'album, c'est Musicosophie. Le morceau, l'art triste, tout de suite. Chanter, jouer, pourtant c'est un travail moyen. L'artiste, ça pagisse, pour ça respect moins qu'à mander. Grand maman toujours chanter, bah moi. Grand papa toujours danser, bah moi. Qui m'en y est, ou l'explique moi, qui y a dans la vie, moi, la musique pas ailleurs. Maman, moi, toujours désespéré. Papa, moi, lui-même, l'on qu'en pleurait. Malgré ça, c'est chantant les chanter. Même si la société pas les considérer. Chanter, jouer, pourtant c'est un travail moyen. L'artiste, ça pagisse. Ça respire moins qu'à monter. Tout le monde l'en compte en goûter musique. Tout le monde l'en compte en danser. se metye mwa jandi sou kwe tatou el di sa se pa wol pouri se se di la kel ti se fos nou kel li di mizik se travay nou me pou chi anton mwa peye nou on pa mi tout metye artis pa ka konte chante belle composition de Mallory M, l'album Musicosophie à découvrir absolument, l'artrice. Et on va changer de style, on vous a dit que c'est la rentrée, donc on va faire un tout petit retour sur ces vacances qui viennent de passer. Et plutôt que de vous donner le hit du moment, la Corée du Sud, on va vous donner autre chose, un hymne à la vie en version soca. L'artiste s'appelle Ridla et il enchaîne les singles depuis Mika, Chenchu, Douette, Agrippement, Petit Bidon. Et bien cet été, c'était Ba La Vie Chaîne. On écoute ça tout de suite, Ridla. Yeah. Oh oh, les amis crient la famille, bille. Tout ça qui veut passer tant pis. Oh oh, yeah. J'ai 100 minutes pour penser. Réfléchis, j'en renforce. Chaque jour, même quand c'est dans l'ol. Travail, dormi pour manger. Mais la vie carrière au nez. Ou qu'à vivre à l'économie. Vini, je ne BLC. Pas ni temps pour dormir. En cap à la biche. Juste prends temps pour sourire. En cap à la biche. Comment va tous mourir? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Qu'elle a content, un bien portant. Ça c'est pour la famille, c'est important. Qui n'est là, mais qui n'est belle. T'en vive li avant l'habituer nous à vous porter. Désolé, on parle à pour Kani. Nous qu'on y chafoumi. La nuit si wow, c'est la nouille. Si pour vous c'est petit détail. Vez pas vivre, nous paye vivre les balles. On dit président de vie. Dormi toujours, nous qu'est rêvé bas. Pas ni temps pour dormir. En cas pas la déchaîne. Juste prends temps pour sourire. En cas pas la déchaîne. Comment en cabala biche, répétez BLC. En cabala biche, aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. bouteille. Dès que la capale est bon, faut couter. En route, yeah. Dès que pied la nia de faux sucre. Si vous t'écris, la avant y'a coupé. Si du scon floupe, elle ben floupe. Nous pas là pour candy. Partager les fous rires, la inévite, c'est la nouille. Si pour vous ces petits détails, des pas vivre, nous qu'elle vive les pas. On dit président d'ouvrir, mais toujours nous qu'elle réveille. Bah, oh oh, criez la famille. Bah la vie chelou. Tout ça qui veut passer ta vie. Bah la vie chelou. En route, en route, en route, en route, en route, en route. En route, en route, en route, en route, en route, en route. J'entends ce beat, mon sang bout comme sous 40 degrés au soleil. Donc je kick ce tempo pour lâcher chiver le projet. Mixtape vite fait, je m'y mets, non pas de blême pro. Pour cracher, d'y fait des paroles chauffées par la colère. On s'en fout un EDS si je colle pas au thème. Du moment que les rimes brillent comme un big bitch ou bling bling. Que les styles brûlent, le rythme bim me plat, dégouliné déjà comme si je défilais déjà dans le vidéo West Indies. Soleil calévé, maman est barré, t'es couché. Grâce à vous, nous en plein, nous vini lâcher chiver. Mets des lumières en ciel, musique nous c'est au soleil. Faille tourner en tout sens, sans soleil, tout moon non. Soleil calévé, maman est barré, t'es couché. Grâce à vous, nous vini lâcher, j'y vais. Mets des lumières en ciel, musique nous c'est au soleil. Faille tourner en tout sens, sans soleil, tout moon non. Ouais, c'est chambre soleil, qu'à vivre en bas Freddy. Pour pic du racel. Même débranché, toujours trappe énergie. J'allais avant pas besoin, mon cas pété yon dit donc comme moi-même. Adore 50, moi, adore musique, moi. C'est qui fait me chumé combien, l'hiver sans faiblir. Le soleil, t'es payé en y éteint après-midi. En oreille, musique, t'es sali, mais tchè. Soleil qu'a levé, maman est barré, t'es couché. Grâce à vous, nous en plein, nous vini lâcher, j'y vais. Mets des lumières en ciel, musique nous c'est au soleil. Faille tourner en tout sens, sans soleil, tout moun non. Soleil qu'a levé, maman est barré, t'es couché. Grâce à vous, nous en plein, nous vini lâcher, j'y vais. Mets des lumières en ciel, musique nous c'est au soleil. Soleil fait tourner en tout sens, sans soleil, tout moun non. Midi fait pas bruit, soleil beau comme un manier. Soleil, nous calèvez voix, pour chalet paix à monter. Soleil, midi fait pas bruit, soleil beau comme un manier. Soleil, nous calèvez voix, pour chalet paix à monter. Soleil, pas mon des baba wano, pas mon des battle. Pas mon des baba wano, pas mon des battle. Pas mon des baba wano, pas mon des battle. Mandé baba wano, pa mandé battle. Kaki, kaki moun, kaki nom fom. Si a pas soleil, les kay kassom. A pas yen kilogage qui en quel nom. En nous simé la joie, conscience qu'on gomme. Levé, l'en maison bien haut. Fais-moi ça, vous épisode. Que nous péquez bédisode. Bédisode. Fais love là, nous mettez à dents et tibre réciproque. Au sa femme, tibre à sous sa nous de bédisode. Bédisode. Ek ensemble, que tu mets en série, que ni, etc. Épisode. Épisode. Péquez la genou, après en pilote. Et puis, stop. Lumière, soleil. Et pas les musique nous jouer, ça mettait des ordres. Savent que musique jouer, fait poser qui note. Gageon qu'à savent qu'à mettait des ordres et puis l'ordre. Soleil, et dit c'est musique. Soleil, qu'il dit la cadre, l'esprit. Pas animé, y'a Maxine, Maxine. Coutez mon attente par un Jocelyne. L'inspiration, pas ni dans celle vie. Au veille dans celle d'exister, si t'en fais plaisir, yes, si respect. C'est yo qui met y'a MC. Devant lumière, on s'en paie pas fait style. Rivoleux. Soleil, qu'à lever, maman est barré, t'es couché. Grâce à vous, nous en plein, nous vini lâcher. J'y vais, mets des lumières en ciel, musique nous c'est au soleil. Faille tourner en tout sens, sans soleil, tout moun non. Soleil qu'a levé, maman est barré, t'es couché. Grâce à vous, en plein, nous vini lâcher, j'y vais. Mets des lumières en ciel, musique nous c'est au soleil. Faille tourner en tout sens, sans soleil, tout moun non. Midi fait capri, soleil beau comme un manier. Soleil, nous qu'a levé voix, pour chalet paix à monter. Soleil, midi fait capri, soleil beau comme un manier. J'allais presser à monter. On nous fait un bel vous coup. équipe est chauffée, tiens un homme qui palace veillez wash de soleil. J'ai de l'eau en poignet, fond non mais puis couteau même s'ils savent ça qui en tient en jiwomo. Kachile à sous, manier défaite, ça qui j'a fait. Alors c'est ni tellement jardin pour six mains, tellement plus victoire qui défaite. Qui ça qui peut éclairer non mon moon qui palace veillez wash de soleil. Passé en mode hip-hop créole avec à l'instant La Chechivé, le EP Atelier Kassav à aller chercher sur le bandcamp du groupe La Chechivé. Et donc à l'instant c'était le titre Soleil qui reprenait bien sûr le classique du groupe Kassav, Soleil. Et on va rester en mode hip-hop créole, on va enchaîner avec Jean-Luc Poya aka Malkema qui nous propose également un EP en libre téléchargement. Donc allez-y, c'est toujours sur le site Bandcamp, c'est là où vous trouverez beaucoup de choses d'artistes underground et autres. Et donc son EP s'appelle La Pia. On a déjà écouté dans l'émission avant les vacances l'original. Cette fois c'est le remix aux paroles explicites avec Joe Blow, Natu, Neglirical, Katinaya et Edsonix. Apprendre moins fait rap tout de suite, La Pia. Hey yo, this is the remix. Yeah. And it goes a little something like this. En cataclysme, sans protège tibia. Entre vous au moins qu'il laisse qui plie pia. Ou par équin, ou c'est la pia. No beat, miras poutia. Ou pas qu'à promettre mon mentia pour mon ça. RSA, mais ou pas qu'à dire pour mon ça. Ou pas chiffré, ou pas gangsta. Ou c'est just ton fucking rapia. Ou pas pour mon déo, mais pantalon en trou bas. Las pompé, carisé bouba. Las bergoum, las fime tabac. Ça pas qu'elle vole la game avec la balabas. Et elle m'en vaut côté là, là pour baron balle. Arrêtez mais ça, ok fait yo, fou en balle. On part dans le futur, ou je t'en libère, mais ok fait rentrer. Outil Wikipédia, ou comprendre que nous t'es dead, ou comprendre qu'il y a des morts. En partie d'actu, y'a pas de la mode encore. Continuez qu'on soit entre, soit bonne des bobos. Chaque fois sorti une samedi, y'a eu un déjà pas les bazards. Joe blow your mind fucking now and be king. Salope en paix, ok, li pas qu'à manier miné qu'on est mille. Oui, mais des bad bitches refait qu'on est qui rap que y'all is back. Fuck ça capouille, pas qu'être poli, copie caché, y'a qui vient trip. Ou dit real. J'ai les nègres même qu'à dire le contraire. Ou fait qu'on pile. En game là ni la pia on pile. Qu'à dire make money même pochard toujours vide. Qu'à chayer kilomètre tout c'est invisible. Top quoi comme si qu'à croyant dans des movies. Le parent est scout fait c'est ça qui inspire. Ow, moi yo nous pas les mêmes. On sont genius. Yo, reason motherfucker fucking famous. On est les mêmes pouvoirs que génie à la descente vous baratin. Fait des tas pépé paraît. Mon total disparaît. Real nigga do real things. Si vous pas hip hop, mon rété au loin. En bon et pile et la pierre à peine et que pour être. Le temps, c'est de l'argent. Mais les cas, y'a pas qu'à guépiller. Y'a qu'à parler de femmes, y'a pas sa croquer. En kounya maman zot, c'est la zoke ou viré. Yeah, ou viré. En panique pitié. Tous ces renois, ces enculés. J'en besoin pour bout pour un pays à tirer. Si ça tombe en jade, on va pas vous qu'à viser. Si vous sentez ou visé, boy, excusez. Moins trop bouja enculé. Moins vieux là, on pas clean. Mais après, c'est femme, on va m'épriser. Moins j'rappe à zot bien drôle. Voyons Jacques-Ari, ça a pas fait pisser. Automite là, c'est moins donc cisé. Just a mégé là, wood boy, just cool. Moi fait trap. Apprendre moi fait trap. Hey yo Malkema, yo can't deny nous c'est des haters. Tant pis, c'est mes égards contre trois bêtises. Yo a dans type satanique qu'on les Beatles. Tête yo j'abattis qu'on t'a bien dans l'église. Apprends moi fait trap, nigga, apprends moi fait trap. Alcool crack, tête moi j'abattis flap. On le beat sap, mais yo c'est des petits traps. Foot rap dégénéré, foot rap fini t'es bien. Avant ça t'es classique, tellement ça basique. Quand se mettre en dép, ou pas besoin de rire. Bah yo en guille, nom, c'est un homme qui n'est gone. Si ou pas ni en gone, mouvement ou pas en homme. Apprends moi fait trap, nigga, apprends moi fait trap. Apprends moi fait rap et puis en mode handicap. Excusez-moi les gars, moi si me ou ka manger bien, bien, ou ka bre bien, pas ni souci relationnel, en famille. Ou pas pour ka social, ou pas trappé, parce que ka check des trois ghetto you talent tout wow. Ka connaît de thug life, well faux fin poussé en baboula. Pas confondre ti cash money, avec pocket money, yassime now. Ou pas orphelin, hein, ou pas hors la loi, ou pour projet ressenti, souffrance à démuni. Ou pas connaître en vrai kakilari, ni kaki baké pour la survie. Dis-moi ça, fucking virtuel, en tête à ou ka vivre aux États-Unis. Ouvre jouer le mal, mais chance c'est qu'à séduire, reproduit sans car vrai, boy, ni en prix. Et qui couillon, pas détruit vieille pour faire feeling, sans car aïe, ça pas en nécessité. Fais attention à, ça quoi souhaiter, le c'est qu'à banovice, mais nous c'est pas mandé. De nos gens, ouais, ça s'en peut qu'on voit, dans le plumeau, nous c'est haut, notre champ aiguisé. Il a pénétré, tchè, Attila, Pia, vérité, Congo, bit, c'est qu'à déranger. Tous les jours, les gars, c'est un nouveau débilité. Dog, passez boss, dans l'imbécilité. Tout ça qui pas bon pour mes douvants pour imiter. Et pour qu'ailleurs, doit de Moyen-Âge, même l'Antiquité. Oh là, y'a capon pour ôter tout ça connu en quantité. Y'a pas ni pomfia, y'a pas ni identité. Alcool et dope, tête la déséquilibrée. Ethnie, élémentiade, non identifiée. Pagé, bah, y'a aussi fait preuve d'originalité. Y'a pas fort, mais y'a pistard qui Johnny à l'idée. Nous d'accord. Le négatif pour mentalité, c'est le premier cas du Guadapani, solidarité. Médicalement, zami, pas menti, ce n'est pas la qualité. Si le X en orbite, y'a rapidement disqualifié. Élément nuisible, je la fatigué. Pour moi, ça, c'est pas musique, hein. Cordialement, mes amitiés. Trap, quatre croisés, un pas quatre gamblés. Bon Dieu, c'est l'en cas doué. Abad, j'abaye, ok, fais tomber. L'argent, pas qu'à fais changer. Coutez-moi bien, à dans quatre croisés, un pas quatre gamblés. Passant pas un cap pour sorcier. Abad, j'abaye, ok, fais tomber. L'argent, pas qu'à fais nous changer. Ça m'a dit mon goût, mais bah y'a pas, j'ai ouvert pour la pote, bah pour chétan. Ah, si qu'on dit les cabins chez toi, détail. On va poser sur la honey, fouille son capon, même y'a pas qu'à molly. Chaque phrase c'est un hymne, on pas besoin baladine. Tout papa la femme signe, monte démonte. Je nous vois ta qui qu'a compté. La nuit longtemps, maman qui m'est pas à y fly, la pas ni bon Dieu. Dans quatre croisés, un pas quatre gamblés. Bon Dieu, c'est l'en cas doué. Abad, j'abaye, ok, fais tomber. L'argent, pas qu'à fais changer. Coutez-moi bien, dans quatre croisés, un pas quatre gamblés. Passant pas qu'à fais bon sorcier. Abad, j'abaye, ok, fais tomber. L'argent, pas qu'à fais nous changer. En jarrant quand t'es comme un diablesse. On pas qu'à voir pour bien mess. On trouve moins rien dans business. On fait preuve de finesse. On va pour gagner vitesse. On pas qu'à rentrer à demain les fesses. Non, où ça va venir? Chimé la langue est difficile, ni la foi, c'est vrai, nigga. En fucking nigga. J'sais pas qu'à pisser, on les moyens pas en vieux pébois. A pas de jambes, y'a qu'à toucher si moi non non. Aïe dans quatre croisés, un pas quatre gamblés. Bon Dieu, c'est l'en cas doué. A pas de jambes, y'a qu'à faire tomber. L'argent, pas qu'à faire changer. Coutez-moi bien, a dans quatre croisés, un pas quatre gamblés. Passant pas un cap pour sorcier. C'est parti en mode trap, à dans quatre croisés, en pas quatre tremblés, inédit de l'homme Kalash qui, en plus du succès de son dernier album et de nombreux hits comme Plaisir, nous sort cet inédit. Et là, on va changer, on va calmer un peu tout ça, on va partir dans une ambiance un peu plus légère. Un MC à découvrir, il s'appelle Yoka. Son EP s'appelle Optimum, de très bons clips à voir, notamment celui du morceau qui va suivre. Un ton un peu en marge de ce qui se fait, on a trouvé ça intéressant. Il nous parle du pays de son père, Guadeloupe. J'ai un taf de ouf, Paris m'épuise, ici sans amour j'étouffe. Je sens que le temps s'écoule, j'ai la main, je prends mes congés, faut que je trace la route. Deux semaines, pas trop, mais pas de prod. Deux, trois sapes, une brosse à dents durable dans mon iPod. 304 places à l'étroit près de la vitre. On décolle, 8h destination, point à pitre. Loin de moi, de ma vie, de mon possi, c'est l'histoire du daron. Est-ce la mienne aussi? 13 ans qu'on s'est vu, mais pire, c'est que j'y retourne seul, voir si j'arrive à vibrer. De matrice parisienne à ma belle antillaise. J'arrive à 19h, enfin plutôt 13. Les Celsius m'en font perdre mon latin. Tati crie en créole en faisant un signe de la main. Paris sexy, DG série. Je m'exile pour espérer. J'suis pas l'eau, le soleil m'a loupé. Je me fuis, me cherche, m'endors, Guadalupe. L'amour c'est diol et j'ai touillé. Je parle créole pour oublier. J'suis pas l'eau, le soleil m'a loupé. Je suis loin, je suis là, je suis prêt. Guadalupe. Jette la couche d'eau et lève-toi. Muri cousine, on va t'emmener quelque part. Jus de coco, y'a pas steak ou anana. Comment va Lisa, comme tu ressembles à ton papa. On sort dans la cova à la radio en queso. J'arrive à Pérorom, maracuja un peso. J'enfile un maillot sans complexe et à jour, car j'ai perdu mes poignets suite à mon chagrin d'amour. Je rentre dans l'eau et j'expire. L'eau est claire que j'aime vivre. J'ai failli perdre confiance. Je me calme et suis en pleine conscience. Colombo piment avec mes dents. C'est à chacun de ne fourrir que mon père me manque. Quand mamie est partie, j'avais peur de perdre ce clan. Mais on a en commun le sourire, la terre et le sang. Paris sexy, DG série. Je m'exile pour espérer. J'suis pas l'eau, le soleil m'a loupé. Je me fuis, me cherche, encore Guadalupe. L'amour c'est diol et j'ai touillé. Je parle créole pour oublier. J'suis pas l'eau, le soleil m'a loupé. Je suis loin, je suis là, je suis prêt. J'ai fait le plein de cola local en deux semaines. J'suis passé de métis à noir total. Loin de ceux qui gueulent sur Palinguil et Malmène. Paris vacances seul, mais un voyage avec moi-même. On a parlé simplement de mort et de vie, car malgré le soleil, on pleure ici aussi. Tu sais, les jeunes d'ici ne sont pas plus dociles, car malgré les plages, on se bat ici aussi. De Marousse antillaise à ma belle parisienne. De la ligne 13, je guéris mes peines. Si loin de ma Guarabasse terre, mais j'ai. Dans le cœur, c'est pas si c'est caisse claire. J'ai dans le cœur, c'est pas si c'est caisse claire. J'ai dans le cœur, c'est pas si c'est caisse claire. Ah, Yazis, okay. Aide-moi un peu. Yo, oh. C'est pas si c'est caisse claire. C'est pas si c'est caisse claire. Si loin de ma Guarabasse, mais j'ai dans le cœur. C'est pas si c'est caisse claire. J'ai dans le cœur, c'est pas si c'est caisse claire. Yoka, le titre, c'est Guadalupe. Et on va enchaîner avec un hommage à Aimé Césaire, qui a été rendu de façon originale par Aïssès Majumba, une artiste qui nous surprend à chaque sortie. Et bien là, on va entendre directement la voix d'Aimé Césaire dans ce remix dubstep reggae. On ne saurait comment trop le qualifier. On va juste vous laisser écouter ça. C'est le nouveau single. Allez chercher ça, Aïssès Majumba de Martinique. Même de l'ombre, en aile, en gosier. Aimez-moi, ça m'a plu. C'est la force de périr, le mot nègre. Aimez-moi, attristez-moi. Sorti tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse. Aimez-moi, ça m'a brisé. Le mot nègre, tout poicre, le parasite. Le mot nègre, tout plein de brigands qui rôdent, de mères qui crient, d'enfants qui pleurent. J'en dis moi qu'à réaliser. Un grésillement de chair qui brûle, âcre et de corps. Que nos péchés j'aime tant nous parler. Comme le soleil qui saigne de la griffe sous le trottoir des nuages de mon nègre. Comme un péché j'aime croiser. Comme le dernier rire vélé de l'innocence entre les crocs du tigre. Aimer tellement aimer. Et comme le mot soleil est un claquement de balle. Et comme le mot nuit est taffe qu'on déchire. Le mot nègre, drôle. Savez-vous? Tonnerre d'un été, que s'arrose les libertés incrédules. Aimer, aimer, aimer, aimer ma femme. L'agriculture devient en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Aimer. Les sentiments, mon sang, que j'ai senti dans mon peuple martiniquais, c'est pas la volonté de domination, c'est la volonté d'être, tout simplement. D'être, c'est pas l'existence, c'est plus que l'existence. Être pleinement. Voici comment la volonté africaine, la volonté martiniquaise. Être, c'est-à-dire concevoir, construire, bâtir, penser, réaliser pleinement son être. Voici comment la volonté martiniquaise. Aimez-moi, tiens-moi, brisé. Concevoir, construire, bâtir, penser. Un des drames précisément de la Martinique, c'est cela. C'est qu'il est une chose et il a une culture qui est autre chose. Il n'a pas su se servir de cette culture qu'il recevait de l'extérieur pour épanouir sa vraie culture. Les valeurs dites supérieures à la civilisation sont des valeurs qui viennent d'Europe. La langue, si vous voulez, tout le côté rationnel de la vie, tout ça vient de l'Europe. Mais, à mon avis, tout ça est superficiel. Le vrai fond de l'homme est tout à fait différent. Et ce vrai fond, c'est le fond africain. Pour partir, pour pas virer, laissez-nous plaire. Des bruits pour force, pour continuer de jamber. Flambeau à rouler, c'est à. Héritage liberté, héritage la fierté à aimer mon aimé. Aïssès Majumba, aimé. On t'a touché à la fin de cette émission Musique Jeudi. On rappelle que Musique Jeudi dans Konanambi, c'est le premier dimanche de chaque mois de 16h à 17h à la découverte de toutes les musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe. Et on va conclure avec un morceau qui est sorti pas tout à fait récemment, mais pas si longtemps que ça. C'est Mister Chevignac, chanteur trompettiste, qui a sorti ce clip, ce morceau, Ami pour la vie. Et il s'avère que le monsieur a beaucoup d'amis. Sur ce titre, vous entendrez entre autres Polo Albin, Jean-Philippe Martelly, Tony Chasseur, Alain Ajax, Sahel, Politique Nice, Télagonis, Albéric Louison et bien d'autres. Un vrai all-star pour ce morceau de Mister Chevignac. Donc allez chercher l'album de la nouveauté en provenance de Martinique. Musique Jeudi tout de suite. Son minou qui j'abati, nous à mes autres c'est pour la vie. Mémoire en nous et devoir nous, c'est d'y parler des autres toujours. Ça qui passait de l'autre côté, et ça qui partait périté. Faut y'a savent pour qui, d'autres là en chez nous. Nous a joué, nous a chanté, nous même plairé de l'air ensemble. Pas tes besoins arrivés si loin. C'est bien après nous regretter, parce que nous vivons des belles moments, que nos péchés j'ai oublié, pour qu'ils s'approchent, sautent là dans chez nous. Sans mis, nous rien d'essayer pour la vie, qui nous bâtit, qui nous bâtit, nous peut séparer, j'ai nous toujours sauté. Sans mis, nous rien d'essayer pour la vie, qui nous bâtit, qui nous bâtit, nous peut séparer. Je nous touche de sauver. C'est comme ça en Tchepéia. Toujours ni place, pas zote pour nous. Sans minou qui rete à vie. C'est ça nous l'est en vérité. Et combien fois nous t'es fâché pour des petits mots qui t'es blessant. Mais nous réfléchis, réconciliez-nous. Nous a joué, nous a chanté, nous même pleuré les l'air ensemble. Pas tes besoins aller si loin, c'est bien après nous regretter. Yeah. Parce que nous vivons plus passion, chez nous t'es toujours serré. Force dans sa fouchi, zot la en chez nous. Sans mi, nous qui rete c'est pour la vie, qui nous bâti qui nous rete. Nous qui séparés, chez nous toujours sauté. Sans mi, nous qui rete c'est pour la vie, qui nous bâti qui nous rete. Nous peut séparer, j'aime nous toujours sauter. Sans mi, nous qui rétés pour la vie, qui nous bâtit, qui nous rétés. Nous peut séparer, j'aime nous toujours sauter. Sans mi, nous qui rétés pour la vie, qui nous bâtit, qui nous rétés. Nous peut séparer, j'aime nous toujours sauter. Alliance sans sens, respect en abondance, c'est pas bise pièce méfiance. Zombie c'est love, zombie c'est la vie. Ouais, fuck, vive en harmonie. Yeah. Bote yon respect, l'amour en chai. Wow, wow, wow, wow. Gardi ensemble, zombie, tout bout, des petits mamas. Yeah. Zombie, nous qui rétés pour la vie. Qui nous bâti, qui nous rété. Nous que séparer, j'ai nous toujours soudé. Zombie. Nous qui rétés pour la vie, qui nous bâti, qui nous rété. Nous peut séparer, j'ai nous toujours soudé. Zanmi pour la vie de Mister Chevignac qui vient conclure notre sélection de la rentrée septembre. Eh bien, c'est le premier mois et sachez que c'est le premier dimanche de chaque mois noté de 16h à 17h sur Conlambi Radio FPP. C'est la sélection Musique Jeudi cette année. En plus de vous offrir toutes les nouveautés incontournables en provenance de Martinique et de Guadeloupe, sachez qu'on prendra aussi le temps de débattre, mais aussi de présenter un peu les artistes, des choses nouvelles, de développer certaines problématiques autour de la musique. Donc je vous dis à rendez-vous en début octobre, premier dimanche du mois d'octobre, pour la suite. C'était EDS pour Musique Jeudi, Conlambi.